Votre émission en balado débutera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Les balados sont écoutés par des personnes dynamiques, ouvertes d'esprit, qui savent à chaque moment ce qu'elles veulent. Tout comme vous, les employés du cabinet comptable Mallette les écoutent. Venez vous joindre à nous, comme clients, comme employés. Vous savez comment nous trouver. Mallette comptable. Votre émission en balado débute dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la commission Laurando-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme. Il y a certes beaucoup de langues et de cultures au Canada, mais il y a deux groupes plus importants que les autres. Ces deux peuples, l'anglophone et le francophone, veulent-ils et peuvent-ils vivre ensemble? La question que pose André Laurando, le co-président de la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme, au moment du passage de la Commission à Québec, est une question grave, mais cette question est en même temps très révélatrice du climat politique et des tensions qui règnent au pays au moment où le gouvernement fédéral décide de créer cette commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. C'est un arrêté en conseil approuvé le 19 juillet 1963 qui a fixé le mandat de la Commission royale d'enquête. En résumé, celle-ci doit faire enquête et rapport sur l'état présent du bilinguisme et du biculturalisme sous le signe du principe de l'égalité des deux peuples qui ont fondé la Confédération. Faire rapport sur l'état et la pratique du bilinguisme dans les services de l'administration fédérale. Faire rapport sur le rôle dévolu aux institutions afin de favoriser le bilinguisme. Enfin, examiner avec les gouvernements provinciaux les moyens permettant aux Canadiens de devenir bilingues. C'est dans l'esprit de ce mandat que messieurs Laurando et Dunton ont ouvert la session publique de l'enquête royale. L'equal partnership, l'égalité culturelle, ce n'est pas une notion qui s'imposera d'elle-même, serait-ce à la suite des études les plus approfondies. Pour rayonner, il lui faudra l'adhésion libre d'un peuple libre. C'est pourquoi les échanges entre la Commission et le public devront être particulièrement suivis, intimes et francs. Et comme c'est l'avenir qui est en jeu, la participation des jeunes au débat devient capitale. André Laurando, à l'ouverture de la première séance des travaux de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Juste avant, vous entendiez l'animateur Jacques Fauteux qui résumait le mandat de la Commission Laurando-Dunton, extrait de l'émission Caméra 63, diffusée le 7 novembre 1963, pour nous rappeler le contexte dans lequel est créée cette commission, l'importance aussi qu'aura la commission sur le plan politique. Je reçois Valérie Lapointe-Gagnon, qui est professeure d'histoire à la Faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, qui vient de publier Penser le Canada, une histoire intellectuelle de la Commission Laurando-Dunton. Valérie Lapointe-Gagnon, bonjour. Bonjour. Votre éditeur dit de cette Commission Laurando-Dunton que c'est comme un laboratoire intellectuel vivant et incontournable pour comprendre le pays. Quelle importance elle a eue, cette Commission Laurando-Dunton, dans l'histoire du pays? C'est une commission qui, on l'oublie aujourd'hui, en fait, on se réfère rarement à la commission Laurando-Dunton, mais quand on demande aux gens de réfléchir au Canada, de dire en deux mots à quoi ressemble le Canada moderne, on va dire souvent c'est un pays bilingue et multiculturel. Mm-hmm. Mais d'où est-ce que ça part, ça? Ça part des années 60, à un moment où on a voulu trouver un peu le visage de la nation canadienne moderne et où on a réfléchi à ce à quoi on voulait que ça ressemble. On était dans une période où l'impérialisme était encore présent, là, les référents britanniques oui. étaient forts, et on voulait définir un Canada canadien parce qu'on craignait deux choses. On craignait, d'une part, les tensions internes. Les Canadiens français étaient de plus en plus nombreux à élever leur voix pour demander des transformations, pour mm-hmm. être davantage respectés. Et de l'autre côté, il y avait les États-Unis qui étaient, eux, de plus en plus puissants, de plus en plus importants sur la scène internationale. Et on craignait un peu l'invasion culturelle. Oui. Comment est-ce que le Canada pourrait se distinguer sur le territoire nord-américain? Donc, un Canada qui est en quête d'identité, qui cherche à se définir, le Canada moderne, au fond, qui cherche son identité, c'est un petit peu ça qui va donner lieu à la création de cette commission-là. Absolument. Avec, en plus, vous l'avez un petit peu évoqué, mais il faut bien s'en souvenir, ces années 60, c'est le début de la montée du nationalisme au Québec, c'est l'affirmation des francophones au Québec et dans le reste du pays, et c'est du côté anglophone, vous le disiez, un Canada anglais qui s'identifie encore passablement au défunt empire britannique, mais des tensions très grandes. Les Canadiens anglais qui voient ce réveil francophone, là, ça les chicote pas mal. C'est ça aussi le contexte de la création de la commission. Absolument. Il y a une inquiétude, puis l'inquiétude, elle est présente dans les milieux intellectuels, surtout. Ouais. Et ça, on le voit dès les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale. On a des universitaires anglophones de McGill, par exemple, qui vont appeler à des rencontres entre les milieux francophones et anglophones pour trouver des solutions. Parce qu'on voit que, on va arriver à un centenaire de cohabitation et que les choses, dans ces premières 100 années, ne se sont pas toujours très bien passées entre les deux groupes culturels, les francophones, les anglophones. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour tracer les voies de l'avenir, pour améliorer cet avenir. Puis il y a le Québec aussi qui gronde. Ouais. Là. Mais, c'est une charnière. On sent que c'est une plaque tournante. Absolument. Puis ce sont des années de prise de parole citoyenne. Ouais. Donc, on le voit là, au début des années 60, quand Donald Gordon, qui est président du CN, va faire une sortie où va dire qu'il ne va pas privilégier l'embauche canadien-français parce qu'ils sont canadiens-français. Puis on critique aussi le manque de bilinguisme au CN, le Canadien national. Eh bien, on va brûler son effigie dans les rues de Montréal, dans les rues de Sherbrooke. Donc, vraiment, il y a certaines tensions. Et c'est pour ça que des intellectuels vont prendre la plume, vont prendre la parole publiquement pour demander des transformations concrètes du paysage politique. Dont André Laurendeau, on y reviendra dans un instant, c'est un des intellectuels, il est journaliste au Devoir, qui va écrire un texte qui fera histoire pour demander, plusieurs textes d'ailleurs, pour demander cette commission. Jacques Fauteux le résumait un peu le mandat de la commission, mais en gros, de quoi on parle, Valérie Lapointe-Gagnon? Bien, on parle de créer un meilleur équilibre. On veut faire enquête sur le bilinguisme parce que plusieurs dénoncent le manque de bilinguisme à Ottawa. Au début des années 60, en 62, à l'élection de 62, il y a une délégation de créditistes québécois qui vont faire leur entrée au Parlement et eux vont commencer à être assez agressifs en chambre par rapport au manque de bilinguisme au Parlement. Les menus sont anglophones et ça, c'est juste un reflet des débats sociaux. Donc, la question du bilinguisme est présente et on veut enquêter sur cette question-là. Et on parle de biculturalisme. Oui. Et ça, c'est un néologisme. Donc, on est moins à l'aise avec ce terme-là, les définitions de ce terme-là. Mais en gros, ce qu'on veut, c'est créer un espace pour permettre à la dualité de mieux s'exprimer. Et on parle dans ce mandat-là de l'égalité entre les deux peuples qui ont fondé la Confédération. Égalité de chance. Égalité de chance. Et puis ça, c'est donner un peu un saut officiel de la part d'Ottawa à une conception du Canada, à une lecture du Canada qui est née plusieurs années plus tôt chez Henri Bourassa, qui voulait justement lire la Confédération comme un pacte, comme une collaboration, et on se rend compte que ce pacte-là a été trahi. Oui, et c'est peut-être, on y reviendra à la fin de l'émission, mais vous disiez le Canada d'aujourd'hui, c'est le bilinguisme, c'est le multiculturalisme, mais c'est peut-être le biculturalisme qui aura été oublié, qui sera passé à la trappe dans les années qui suivront la tenue de la commission à Laurendeau-Danton. Au-delà du mandat comme tel, quel objectif devrait poursuivre la commission? On écoute André Laurendeau. La commission, elle a été créée, entre autres, parce que lui était l'un de ceux qui faisait pression pour qu'il y en ait une. Il parle à Wilfrid Lemoine à l'émission Aujourd'hui, le 9 janvier 1963. C'est sa vision, au fond, qu'il nous donne un petit peu. On l'écoute. S'il y a une enquête, c'est une enquête publique. Il s'agit d'une grande enquête. Et non pas d'une machine qui serait conduite d'une façon secrète. Par conséquent, on va entendre des opinions. On va entendre des expressions d'opinions un peu partout. On va entendre, par exemple, dans les provinces de l'Ouest, peut-être en Ontario, des groupes canadiens-anglais s'exprimer sur le français, sur la culture française, sur le groupe canadien-français, en des termes qui vont nous blesser. Et par conséquent, ça peut amener des réactions un peu fanatiques de notre part et arriver exactement au résultat inverse de celui qui s'est cherché. À redire les positions de chacun. Exactement. Quant à moi, j'estime que le risque est réel. Je crois réellement, c'est pas qu'il y a un risque de ça. Mais je pense que de la même façon que dans le Québec, nous avons réussi à mettre de côté un certain nombre de tabous. Il y a des questions qu'on n'arrivait pas à discuter. On a réussi à les discuter, je crois que c'est sain, que c'est normal. Et bien, de la même façon, si le Canada doit continuer à vivre, il doit accepter de mettre ces problèmes-là en discussion. Maintenant, M. Laurendeau, je vous remercie. André Laurendeau, quelques mois avant la création de la commission, dont il sera l'un des deux coprésidents, ce qui est fascinant en l'écoutant, Valérie Lapointe-Gagnon, c'est qu'on a l'impression qu'il nous dit, au fond, il faut crever un abcès pour repartir plus solide comme pays. C'est un petit peu ça la vision qu'il a. Absolument. Puis les commissaires vont vouloir lancer un électrochoc, là, ouais. Secouer les Canadiens, surtout les Canadiens qui sont éloignés du Québec, pour leur dire, regardez là, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Là. L'insatisfaction est tellement grande qu'il y a des citoyens qui commencent à rêver d'un Québec indépendant. Donc, ouais. Soyez alertés. Et par contre, on peut aménager les choses de manière différente. On n'est pas obligé de faire les choses de la même façon qu'on les a faites depuis 1860. Donc, on peut réfléchir ensemble à une solution. Puis les commissaires pensaient vraiment qu'il fallait partir par le bas. Et c'est pour ça qu'ils vont faire quelque chose d'assez impressionniste. Avant de tenir les audiences publiques où les gens vont présenter leur mémoire, ils vont d'abord tenir des séances régionales partout à travers le Canada pour questionner les citoyens sur leur vivre ensemble. Mais André Laurendeau le dit, ça sera pas facile. Ouais. Mais ça sera pas facile pour lui. En fait, je pense pas qu'il avait imaginé à ce moment-là, en 1963, ce que ça serait pour lui, parce que lui-même va se faire insulter dans certaines séances. Mmh. On va lui dire qu'il est devenu le roi nègre, le même reproche qu'il avait lui-même formulé à Duplessis en 1958, là, ouais. Qui est devenu un peu à la solde des Anglais. Parce que d'essayer de, entre guillemets, de sauver le pays, ou en tout cas de le reconstruire, de repartir cette cohabitation sur de nouvelles bases, c'est pour les souverainistes purs et durs de l'époque, c'est de travailler à ce que le Canada continue de survivre. C'est ça un peu qu'on lui reproche. Ouais. Parlez-nous un petit peu davantage de lui, André Laurendeau, de son co-président, Davidson Dunton. Qui sont-ils, ces deux hommes-là? André Laurendeau, qui était éditorialiste, bien connu au Devoir, un intellectuel respecté, qui avait fait ses débuts dans les Jeunes Canada, les Jeunesses catholiques aussi, qui va un peu délaisser ce côté-là après un voyage en France en 1935, où là, il va s'ouvrir au personnalisme, va aller plus vers le progrès social. Et donc, ça va marquer un peu sa vision. Et en France, là où il suit des cours à la Sorbonne, on va le questionner sur les Canadiens anglais, et puis il ne saura pas quoi répondre. Il va avoir un peu honte de ça, et à son retour, il va vouloir entreprendre de créer des liens, parce qu'il va se dire, mais l'autre, ce n'est pas un ennemi. Ouais. On est capable de se parler. Ouais. Et donc, le dialogue fait partie de sa vision, et on retrouve la même chose à Laurendeau Dunton. Quand il parle de « equal partnership », ce qu'il veut dire, c'est égalité des chances réelles, et ouais. qu'à travers un dialogue sain, on serait capable d'arriver à ça. Et Laurendeau va devenir l'âme de la commission. Ouais. Davidson Dunton, qui est-il et quelle sera son importance dans la commission? Oui, Davidson Dunton, qui était bien connu à l'époque aussi, a fait carrière à CBC, Radio-Canada, principal de l'Université Carleton. Et Davidson Dunton va moins laisser de témoignages écrits que Laurendeau. Mais Davidson Dunton, c'est l'homme des contacts. C'est celui qui connaît les gens à Ottawa. Et quand ça va un peu mal pour la commission, quand il y a du grain dans l'engrenage, c'est lui qu'on va envoyer pour aller serrer des mains et essayer de donner une meilleure vision de la commission et d'avoir la fonction publique, les politiciens du côté de la commission. Donc, la commission, elle est créée. Il y aura ces deux vice-présidents, 8 autres commissaires qui viennent d'un peu partout au pays. Une seule femme, hein, c'est peut-être le reflet d'une époque. Comment réagit l'opinion publique à la création de cette commission-là? En général, il y a des bons commentaires, mais il y a de l'inquiétude aussi. Mmh. On le sent, là. Des deux côtés, hein? Oui, du côté du Canada français et du Canada anglais. Oui, puis du côté du Canada anglais, on reproche le mandat qui est trop centré sur le biculturalisme. On se demande, c'est quoi le biculturalisme? Plusieurs ont peur qu'on les oblige à parler français. On voit, moi, je veux pas qu'on me force le français dans la gorge, là. C'est des témoignages qu'on voit à l'époque. À l'époque, ces gens-là se disent, le Canada est un pays anglophone et il y a des francophones dans ce pays-là. Il y a des gens qui parlent français. Exactement. Puis les commissaires vont avoir à faire beaucoup de travail de pédagogie pour dire c'est une chose, le bilinguisme individuel, mais nous, c'est le bilinguisme institutionnel et officiel. Donc, c'est pas de demander à chaque Canadien de devenir bilingue. Donc, il y a des craintes par rapport à ça, à l'obligation personnelle de bilinguisme. Il y a un peu peu d'incompréhension par rapport au mandat. Et du côté du Québec, bien, il y a des gens qui n'y croient déjà plus à la réconciliation qui est proposée. Donc, c'est pas encore majeur au début des années 60, mais ça va le devenir et ça va prendre de l'ampleur devant l'inaction. Non, c'est pas gagné. Comment ça se passe? Parce que, évidemment, la commission, ça s'étend sur plusieurs années. La commission va sillonner le pays d'un bout à l'autre, dans toutes les régions, dans toutes les régions. Comment se déroulent les travaux de la commission? Bien, il y a beaucoup de travail qui est fait justement auprès du public pour les sensibiliser au mandat. Et puis, si on lit le journal tenu par André Laurendeau dans cette période-là, ce que lui constate, c'est qu'il y a énormément de préjugés à déconstruire parce que c'est le provincialisme qui règne. Les citoyens ont de la difficulté à se projeter dans des enjeux qui ne sont pas ceux de leur région, ceux de leur province. Ouais. Et on veut entreprendre cette grande conversation pour crever l'abcès, comme vous le mentionnez. Et ça, bien, on ne peut pas le faire avec des préjugés. Ouais. Donc, c'est beaucoup de déconstruction. 1965, la commission publie un premier rapport, un rapport préliminaire qui va avoir l'effet d'une bombe. Pourquoi? Qu'est-ce que dit ce rapport-là, Valérie Lapointe-Gagnon? Le rapport paraît justement après des séances auprès des citoyens qui ont été plus difficiles. Et là, les commissaires se réunissent et l'heure est grave. Ils ont peur pour l'avenir du pays, mais sérieusement, là, on sent la tension quand on lit les résumés cette rencontre-là. Le Canada est en crise. Oui, vraiment, le Canada est en crise. Et c'est ce qu'ils vont dire dans le rapport préliminaire. Là, le Canada traverse une crise majeure, probablement une des pires de son histoire. Et cette crise-là, elle prend sa source dans le Québec. Ouais. Donc, c'est ce qu'on va souligner dans le rapport préliminaire. À l'intérieur même de la commission, entre commissaires, comment ça se passe? Ça se passe pas toujours bien. Quand on demandait au commissaire, mais comment vous avez fait pour rester quand même ensemble pendant toutes ces années, malgré vos tensions puis vos dissensions, il y en a qui vont dire, ben les Martini. Hein, c'est à cause des soirées au bar où là on pouvait se réconcilier, mais il y a quand même des différences majeures entre la façon dont les commissaires vont concevoir la commission et les recommandations. Il y en a comme André Laurendeau qui sont prêts à tout repenser, en fait, la confédération. À revoir le fédéralisme. On pense à un fédéralisme asymétrique qui donnerait une place particulière au Québec. Et donc, on veut que les rapports, dès le départ, touchent aux questions constitutionnelles. Mmh. Et il y a une autre école de pensée qui est plus celle dirigée par le constitutionnaliste Frank Scott, qui, lui, croit que la Constitution, telle qu'elle est, là, elle est parfaite. Il ne faut pas y retoucher parce qu'elle a fait ses preuves et ce serait dangereux d'y retoucher. Et donc, lui, ce qu'il prône, c'est des mesures pour aider, oui, le bilinguisme, mais ce qu'il veut, c'est garder les éléments qui font du Canada une fédération avec un gouvernement central fort, parce que c'est le seul moyen de résister aux États-Unis et c'est le seul moyen de protéger les minorités. 1968 arrive et ce sera une année charnière pour la Commission. Monsieur André Laurendeau, rédacteur en chef du quotidien montréalais Le Devoir et plus récemment co-président de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, est décédé hier soir à l'hôpital général d'Ottawa à la suite d'une hémorragie intracrânienne. M. Laurendeau était hospitalisé depuis 2 semaines dans la capitale où il avait été terrassé par une crise au cours d'une conférence de presse. Mais c'était plus qu'un homme intelligent, c'était un homme qui avait des convictions et beaucoup de chaleur et puis beaucoup de force. Il n'était pas violent, mais il était très fort. Et puis il était terrible de patience dans les discussions. Il lâchait pas puis il faisait pas de compromis. C'était un très grand nationaliste, mais seulement avec beaucoup d'ouverture d'esprit, puis très loin du fascisme et du racisme, comme les gens pensent que les nationalistes sont généralement. Puis quand il en rencontrait des nationalistes qui étaient sectaires ou qui exagéraient, bien, il n'aimait pas ça, mais seulement il les respectait quand même, puis il essayait de leur expliquer. André Laurendeau meurt donc en juin 1968. C'est son ami, le syndicaliste Michel Chartrand, qu'on entendait réagir à sa mort dans cet extrait. Quel impact va avoir la mort d'André Laurendeau sur la commission? Ça va avoir un impact majeur parce que, comme je le mentionnais plus tôt, André Laurendeau, c'est l'âme de la commission. C'est lui qui parvient à réconcilier les opinions dissidentes, à apaiser un peu l'atmosphère quand il y a des tensions. On le voit là, dans les documents des autres commissaires, notamment dans le journal de Gertrude Lang, la seule commissaire femme. Elle va être dévastée par ce départ-là parce qu'elle se dit « Mais comment le Québec va pouvoir être représenté comme il faut? » Sans André Laurendeau qui défendait corps et âme une révision vision politique pour faire aménager une meilleure place au Québec. Et elle aurait voulu prendre la relève, mais elle ne se sentait pas la force de le faire, étant donné qu'elle n'était pas constitutionnaliste et qu'elle était une femme dans une commission d'hommes. Donc, il va être remplacé par Jean-Louis Gagnon. Et Jean-Louis Gagnon partage davantage la conception de la commission et du Canada de Frank Scott. Ouais. Donc, ça va... Donc, le Canada, politiquement, à deux voix fortes, il disparaît un petit peu avec la mort de Laurent Daudet. Puis, il y aura un autre élément qui va contribuer à gommer un peu ce biculturalisme qui était au cœur du mandat de la Commission au tout début. C'est ce Canada fondé sur deux peuples fondateurs égaux. C'est l'arrivée de Pierre-Éliott Trudeau, en 68 toujours, comme nouveau premier ministre du Canada. On l'écoute, Pierre Trudeau, répondre aux questions de Guy Lamarche, alors qu'il est toujours ministre de la Justice. On est en janvier 1968. Êtes-vous d'accord avec M. Jean Marchand qui, le soir de la publication du rapport, nous disait qu'à son avis, c'était la dernière chance du Canada? Oh, moi, j'aime pas tellement ces expressions qui sentent la crise. Je pense que l'idée de Marchand, et celle-là, je la partagerai, c'est que les recommandations qui sont contenues dans ce rapport constituent une dernière tentative pour les Canadiens de langue française de sortir du Québec et de s'affirmer comme ayant des droits, comme possédant des droits linguistiques dans l'ensemble du pays. Dans ce sens-là, on peut dire que c'est une dernière chance, que si encore une fois, après 100 ans de vie commune, on s'aperçoit que le français, la langue française, est obligatoirement, quand on est dans la province, je pense que ça augurerait très mal pour l'avenir du fédéralisme tel que nous le connaissons. À ce moment-là, il faudra peut-être songer à d'autres solutions, genre indépendance ou État associé. Dans les faits, Valérie Lapointe-Gagnon, que va faire Pierre-Éliott Trudeau de ses recommandations de la commission Laurent-Danton et qu'est-ce que va donner cette commission au final, considérant que c'est lui qui est au pouvoir à ce moment-là? Bien, il va un peu les réinterpréter à sa manière. La première chose qu'il va faire, bon, il va créer la loi sur les langues officielles et ça fait suite aux recommandations de la Commission et ça fait officiellement du Canada un pays bilingue avec l'anglais et le français et ça rend la fonction publique fédérale bilingue. Par contre, pour ce qui est du biculturalisme, lui va laisser ça de côté et quand le livre de la Commission sort sur les autres groupes ethniques, parce que l'apport des autres groupes ethniques, comme on les appelait à l'époque, étaient aussi dans le mandat de la Commission. Et les commissaires vont faire un rapport qui va mentionner que dans l'Ouest, il y a des groupes de pression qui sont en faveur du multiculturalisme et qu'on ne peut pas neutraliser cette voie-là. Donc, elle est importante, mais que tout ça doit se faire l'intégration de la diversité dans un cadre biculturel. Mmh. Et Trudeau, lui, au moment où il va lire ce rapport-là, il va faire un discours par la suite où il va un peu réinterpréter ça à sa manière et dire, les commissaires ont mentionné qu'il fallait aller de l'avant avec le multiculturalisme et moi, je propose d'aller encore plus loin que ce qu'ils ont dit et là, il va créer sa politique sur le multiculturalisme et on va moins reparler de cet aspect de la dualité, ben, de statut spécial pour le Québec. On va continuer d'en parler énormément sur la scène politique, mais ce ne sera jamais les choix de Trudeau parce que lui partageait la vision de Frank Scott. Donc, bilinguisme, concrètement, ce que ça va donner, c'est, et c'est beaucoup l'œuvre de Trudeau, effectivement. Le bilinguisme sera retenu, le multiculturalisme sera retenu, mais le biculturalisme, la notion de deux peuples fondateurs, ça va complètement disparaître. Et avec la Constitution du début des années 80, c'est vraiment la mort de ça, là. Le Canada devient le Canada de 10 provinces égales. Absolument, mais par la suite, on voit que ça continue d'être présent avec Meech, avec Charlottetown. Oui. C'est toujours sur la table des discussions, la reconnaissance d'un statut distinct pour le Québec. Donc, ça ne disparaît pas, mais ça ne fait pas partie du projet politique de Trudeau. Valérie Lapointe-Gagnon, professeur d'histoire à la Faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, auteur, je le rappelle, du livre « Penser le Canada, une histoire intellectuelle » de la Commission Laurent-Danton. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.